Donc, vous êtes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL. C'est Christiane Dupont qui vous parle. Et nous allons maintenant parler d'un tout autre sujet avec François qui va nous... nous avons appris récemment que dans les médias qu'un enfant de 2 ans et demi avait été infecté par le VIH, le sida, dans l'utérus de sa mère. Aujourd'hui, l'enfant ne présenterait que des traces presque indétectables du virus après avoir passé plusieurs mois sans aucun traitement. À ces faibles concentrations, le virus serait sous le contrôle du système immunitaire et serait donc inoffensif. Les médecins parlent d'une guérison fonctionnelle. Donc, pour nous en parler, François Grégoire, si tu veux élaborer un peu sur ce phénomène assez peu commun. Oui, Christiane, cet événement a fait ressurgir beaucoup d'espoir chez les personnes atteintes par le VIH. Et grâce à lui, la lutte contre cette maladie pourrait prendre un tout autre tournant. Deborah Persaud, qui est virologiste au Johns Hopkins Children's Center de Baltimore au Maryland, explique que cet enfant vivait déjà avec le VIH avant sa naissance et qu'aujourd'hui, elle est âgée de 2 ans et demi et elle n'a plus besoin de traitement contre la maladie. Alors, au sens strict du terme, il ne s'agit pas d'une guérison, car certains tests très sensibles sont parvenus à mesurer des traces du virus. Cependant, les concentrations sont si faibles que le virus ne peut se reproduire. Alors, le système immunitaire de l'enfant serait en mesure, à lui seul, de gérer l'infection. Mais comment on pourrait expliquer ce phénomène-là? En fait, il semblerait que le virus n'ait pas eu le temps de se constituer des réserves dans les cellules immunitaires qui l'infectent. Et ces réserves, on pense que ce sont elles qui expliquent pourquoi les trithérapies actuelles à base d'antirétroviraux ne réussissent pas à éradiquer le virus chez les personnes atteintes. En fait, chez ces personnes, le virus est à l'état dormant dans certains types de cellules qui servent de réservoir. Ainsi, si ces personnes arrêtent les traitements, le virus sort de sa latence et l'infection reprend. Alors, c'est pourquoi les patients infectés doivent prendre des médicaments toute leur vie. Et ce ne serait pas le cas de cet enfant-là de 2 ans et demi? Vraisemblablement pas. Est-ce que tu préfères un petit rappel des faits là, de ce phénomène, de cette histoire-là, disons, particulière? Oui, tout à fait. En fait, une Américaine se présente à l'hôpital de Jackson dans l'État du Mississippi parce qu'elle sent qu'elle va accoucher. Il faut dire qu'elle n'a pas bénéficié d'aucun suivi gynécologique pendant sa grossesse. Or, pendant la phase de travail lors de l'accouchement, une prise de sang révèle sa séropositivité. La situation est donc catastrophique parce que les risques de transmission du VIH de la mère à l'enfant sont élevés en cas d'absence de traitement. De plus, le bébé est prématuré. Alors, face à cette situation, la pédiatre de l'hôpital fait passer un test de dépistage au VIH à l'enfant qui vient de naître et elle ne court aucun risque, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir les résultats du test, elle injecte 3 antirétroviraux au nourrisson dans les 30 premières heures qui ont suivi sa naissance. Les tests révèlent finalement la présence du VIH dans le sang du bébé. Les médecins pensent que la contamination s'est produite en fin de grossesse dans l'utérus un peu avant l'accouchement. Alors, la charge virale du bébé devient indétectable après 29 jours de traitement. La mère entreprend donc une série de visites régulières pendant 18 mois, après quoi elle les interrompt, pour une raison qu'on ignore, okay, pendant 5 mois. Ce qui a eu pour effet que le bébé s'est retrouvé en fait sans traitement pendant 5 mois. Alors, à leur retour, la pédiatre s'attend malheureusement à avoir des concentrations du VIH importantes dans le sang de l'enfant, mais les tests pratiqués ne laissent rien entrevoir. C'est une surprise incroyable. C'est vraiment une belle surprise. Oui, on s'attendait vraiment pas à ça. Alors, pour se valider, elle a demandé l'aide de Deborah Persaud, car au Johns Hopkins Children's Center, les chercheurs disposent de méthodes de détection plus sensibles. Or, seulement quelques traces du VIH ont pu être mesurées, mais à ces concentrations, il n'y aurait aucun risque de réplication. L'enfant semble ne pas nécessiter de traitement contre l'infection. En fait, on serait en face d'un cas de ce qu'on appelle un cas de guérison fonctionnelle, puisque les défenses immunitaires semblent capables de contrôler le virus. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans et demi, elle serait restée sans traitement depuis 10 mois et présenterait les mêmes résultats sanguins. Est-ce que ça serait un cas exceptionnel? C'est difficile à dire pour l'instant. D'autres études ont déjà évoqué des situations de guérison fonctionnelle chez les nouveau-nés, dont une qui date de 1995 et qui avait été rapportée dans le New England Journal of Medicine. Mais des doutes persistent encore car les méthodes de détection de l'époque étaient loin d'être aussi précises que celles utilisées aujourd'hui. Par contre, d'autres recherches, bien plus récentes, évoquent ces cas de figure. Par exemple, en juillet dernier, on annonçait que 12 patients français pris en charge très rapidement après l'infection par le VIH vivaient depuis plusieurs années sans aucun traitement. Je me souviens d'ailleurs qu'on en avait... Fascinant, ça. Oui, on avait d'ailleurs parlé à Futur Simple l'automne dernier de ça. Donc, c'est quand même des résultats encourageants, finalement. Oui, même si les scientifiques admettent ignorer les mécanismes biologiques qui sont derrière tout ça, leur principale hypothèse suggère que la mise précoce sous antirétroviraux n'a pas laissé le temps au virus de se constituer des réservoirs dans les cellules immunitaires du nourrisson. Puis, quel genre d'impact pourrait avoir cette nouvelle-là dans le traitement de la maladie? Ça donnerait un autre point de vue, une autre façon, une autre approche, finalement? En fait, cette nouvelle pourrait radicalement changer la prise en charge des nouveaux-nés qui sont à haut risque, parce que l'Organisation mondiale de la santé considère qu'en absence de traitement, la probabilité de transmission du VIH d'une mère à son enfant varie entre 15 et 45 %. C'est quand même assez élevé. Donc, dans ces situations, des soins prodigués aux bébés dès leur naissance permettraient peut-être d'aboutir à de nouveaux cas de guérison fonctionnelle comme celui-là. Bien entendu, ça demande une vérification auprès d'une cohorte d'enfants beaucoup plus grande, parce qu'effectivement, est-ce que ça va être reproductible chez d'autres enfants ou est-ce que c'est un cas exceptionnel? On ne sait pas encore tout à fait. On ne sait pas encore, OK. Dans les pays plus pauvres, en fait les plus pauvres, principalement en Afrique subsaharienne, où il y a un taux assez élevé de prévalence du VIH, effectivement, les mères infectées par le VIH accouchent souvent sans qu'elles soient prises en charge. En fait, les trithérapies ont du mal à parvenir jusqu'à ces territoires, faute de moyens. Donc, en concentrant les efforts sur les premiers mois de la vie des individus, on limiterait les coûts, car les traitements ne dureraient que les premières années de vie, plutôt que pendant toute une existence d'une personne, par exemple. Alors, malgré tout, la meilleure des solutions, puisqu'on ne sait pas encore comment guérir de la maladie, ça reste la prévention. Mais est-ce que les chercheurs restent optimistes quand même? Ils ignorent pour l'instant si le système immunitaire de l'enfant contrôlera véritablement l'infection pour le reste de sa vie, mais l'optimisme règne. Ils pensent également que les risques qu'elle contamine une autre personne sont presque nuls, en fait. Et même si on ne peut pas parler de guérison absolue, cet enfant devrait pouvoir mener une vie normale. Ce qui est très bien pour elle, c'est vraiment, oui, effectivement. C'est vraiment fantastique. Et moi, ce que je trouve fabuleux, en fait, dans toute cette histoire, c'est la fin. Cet accouchement qui s'annonçait si mal se termine finalement bien au bout du compte. Pour l'enfant. Pour l'enfant, effectivement. Tout en apportant une contribution scientifique qui risque d'être importante et dont on ne peut pour l'instant encore toute mesurer la portée. Bien, ça sera vraiment un dossier à suivre parce que c'est une nouvelle encourageante. Oui. Merci beaucoup, François, pour ces précisions. Ça me fait plaisir. On va faire une petite pause musicale.